Féra, l'animateur, le plus trash de la bande FM. Et celui qui est portable, arrête-toi. Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions. Féra, les débats de Féra. Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous, donc bienvenue sur Fun Radio, donc débat de Gérard, donc le débat c'est sur la SPA. Donc pour ça on va accueillir Karine qui est au standard. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir Karine, donc à côté de toi donc Aurélie, donc bonsoir à bonsoir toi Aurélie. Gérard. Bonsoir tout le monde. Donc Simon, à la, pas à l'AREA mais au... Honnête. Sur le site internet, donc ce soir, on va essayer de travailler un peu mieux que d'habitude. Et à la réanimation, quand il aura fini de faire le singe, parce qu'on va l'appeler Monsieur Babouche. Bonsoir. Bonsoir à toi, comment vas-tu? Bah ça va, puisque tu parles de singe, c'est bien, parce que les débats, c'est sur la SPA. Ouais, et sur la SPA, mais ton jingle, c'est de la merde. Oh, ça va, c'est bon. Ça commence. Donc, ça à revoir, d'accord? Ok, ça marche. Donc, bah voilà, donc débat sur la SPA, j'espère qu'on va former une bonne équipe ce soir. On va tester, donc je pense que normalement, ne devrait pas y avoir de problème, parce que Aurélien a déjà travaillé avec moi. Karine, bon, j'en parle pas, elle a l'habitude de me connaître maintenant, donc elle sait comment que je travaille. N'est-ce pas, Karine, on répond s'il vous plaît au chef? Oui, chef. Parce que le chef, quand il est pas là, c'est moi qui commande le jeudi, d'accord? Merci. Et merci pour ton café, hein, Karine, je l'attends toujours. Mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. il est gonflable, là, chez GS. Donc, première question. Donc, sur le net, par contre, Simon, ouais. Je préfère te prévenir tout de suite. Que là, le débat est important, donc le net, tu vas pas le mettre du côté de d'Aurélie, tu vas le mettre plusieurs mois quand même, qu'on puisse voir à peu près comment que ça se passe. Et de temps en temps, je te demanderai des personnes qui veulent réagir, mais alors faut bien préciser, je veux pas les bordels, t'as dû entendre jusqu'à maintenant comment ouais. Ça se passait, donc je ne veux pas que ça se repasse. Hein. Donc, okay, ça marche. Je veux des gens qui répondent sur le thème du débat et qui puissent me dire oui, on n'est pas d'accord et ceci, cela. Mais des trucs sérieux, hein. Ça roule. D'accord? Ouais. Si je pouvais avoir la piste quand même au standard, si ça vous dérange pas. Donc, Aurélie, tu prends quand même du monde aussi. Hein, et puis en même temps, ben, vous me donnez. Ouais, mais. C'est bien ça. C'est bien, t'es content? Ouais, non mais c'est bien, mais j'ai même pas les fréquences. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai remarqué que tu te fais un malin plaisir à le demander toi-même. Ah ouais, non mais c'est à toi de le faire, ma grande. Ah non, plus maintenant. Si. Ah bah là, je vais te dire une chose. C'est qu'on maintenant, on va mettre les choses au clair. Au clair, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, et ça, on va peut-être reculer un peu, comme c'est Simon qui répond derrière nous, donc il m'a dit que c'était pas un problème si on pouvait déborder. Jusqu'à 6 heures. Donc, non, mais je vais pas tenir jusqu'à 6 heures. Donc, je vais te dire une chose, que les fréquences, t'es prié de demander aux gens d'où ils appellent. D'accord? La région plus la fréquence ou juste la fréquence? Juste la fréquence. La région et la fréquence, si ça te dérange pas. Non, là, ça va pas être possible. D'accord? Bah, je te fais les yeux d'eau, tu vas me donner les fréquences et la région. D'accord, Gérard. Bon. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais de toute manière, hier, elle m'avait dit qu'elle allait bien faire son boulot. Monsieur Mazur, bonsoir. Monsieur Mazur, s'il vous plaît. Allez, ça commence. Mazur à l'appareil, bonsoir. M'entendez-vous, monsieur Gérard? Monsieur Mazur, bonsoir. Comment allez-vous depuis 15 jours? Eh bien, écoutez, ça va fort bien vous-même. Vous appelez d'où? La fréquence, c'est tout. Le reste... Ah, juste la fréquence, d'accord, 101.5. Merci. Ocapine. Oui, bonsoir Gérard. T'appelles de... J'appelle de Crash en Josas, 112.6. Hein? Crash en Josas. 112.6? Oui, tout à fait. Ok. Fais un petit coucou à toute l'équipe. Saluer quand même l'équipe, c'est vrai. Oui, bah oui. J'allais dire non, mais oui. Bien sûr, bonsoir. Donc je fais un petit coucou à Babouche, à... Ouais, non, mais ça y est, c'est bon. Et hop. À Diallo, à Benoît-Sillard. Non, mais c'est bon, Très bien. Tu commences pas. Pardonnez-moi, vous souhaitez que l'on salue le journal de l'équipe? Non, merci. Et puis l'animateur qui faisait les phénomènes, oui. Tu vas commencer à te calmer, d'accord? Très bien. Alain, du bourg quoi? Du bourg gras? Alain, du bout du gras. Ouais. Bonsoir, t'appelles d'où? Bonsoir tout le monde. Tu appelles d'où, s'il te plaît, merci. J'appelle de Montmoignon, dans le Morbihan, 117.7. Bonsoir tout le monde. Ok, ben quand je demande la fréquence, c'est 117.7. Où 117.7. Et où abeilles? Oui, à l'abeille, oui, bonsoir. Bonsoir, t'appelles d'où? 78.9. Ok. Merci pour le Larsen. Bonsoir, bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs. Merci pour le Larsen. C'est ma vie, merci pour le Larsen que je viens de dire à l'instant. Je ne sais pas qui m'a fait un Larsen, mais j'aime pas trop. Oui, monsieur Gérard. Allez, oui, monsieur Mazur. S'il vous plaît, monsieur Gérard. Monsieur Mazur, oui. Qu'est-ce qu'un Larsen? Un Larsen, c'est quelqu'un qui met son micro devant le. C'est quelqu'un qui met un casque devant le micro, comme ça. D'accord. D'accord? Ah oui, vous avez bravo, Gérard. Bravo, Gérard. Eh ben, j'explique à monsieur Mazur ce que c'est un Larsen. Donc, la question. Merci. Alors, si ça commence comme ça, je préviens que le premier qui fait une couille ce soir, j'ai pas l'intention de me laisser marcher sur les pieds. Il retourne à l'SPA. Et toi, faites bien réfléchir, faites gaffe à quand est-ce que vous allez répondre. Ouais. Parce que là, j'ai pas l'intention de gâcher mes débats. C'est la dernière fois que j'essaye une nouvelle équipe. Si l'équipe ne marche pas ce soir, vous pourrez dire adieu à Gérard de Suresnes. Oh non, d'accord, je préviens. Donc ce soir, c'est la dernière tentative qu'on fait. Non. Bon, Gérard. C'est moi. Non, non. Non, mais t'es d'accord, Gérard. Mais je veux dire, c'est pas toi qui t'arrêtera, c'est qu'on virera définitivement. Il y a des gens ce soir qui vont, il y a des têtes qui vont tomber, c'est tout. Voilà. Donc, je préfère prévenir d'entrée que si ça se passe mal ce soir, attention aux têtes. Gérard, on y va parce que quand même, la SPA, c'est un sujet un assez sujet important. Donc, très important. Donc, on y va. Qu'on est en train d'aborder. Donc, la première question. Que pensez-vous du scandale qui vient de se passer à la SPA? On va demander à Ouyabeille. Oui, à l'abeille. Oui. Écoute, je suis pas du tout au courant du scandale. Je sais que il y a un article qui a fait figure d'un certain argent qui aurait été détourné par la SPA, mais je n'ai pas lu. Donc j'attends que tu m'expliques en fait. Non, mais j'espère. J'espère que les gens qu'on a, j'espère qu'il y en a au moins un sur les quatre qui a pu essayer de lire au moins les journaux pour savoir ce qui se passait. Ouais. Je l'espère. Parce que si, c'est pour commencer. Comme ça, ça ne sert à rien. T'énerve pas, Gérard. Non, non, mais je préfère prévenir. Parce que déjà, la première auditrice, elle est déjà même pas au courant de ce qui se passe. Mais moi, je n'étais pas au courant du thème du débat. Ouais, non, mais ça, les thèmes du débat, faut bien vous dire une chose. Gérard, on y va. Non, non, mais attends, je mets les choses au clair. Ouais. Les thèmes du débat, vous ne les aurez pas d'avance. Vous les aurez le jour où je viendrai, c'est alors tout. Comment veux-tu que les gens... comment ils peuvent savoir? Mais c'est comme ça. Tout en impro. C'est comme ça, maintenant. Un peu, quand même. Gérard, le débat, s'il te plaît, dans ces cas-là, Karine, le jour où tu veux savoir le thème du débat, tu m'appelleras avant, d'accord? Mais je parle pas de moi, je parle de eux. Non, mais les auditeurs, ils n'ont pas besoin de le savoir, parce qu'après, ça va faire du bordel sur le net. Donc, voilà. Donc, Alain, du gras, là, ouais, c'est moi, j'ai suivi l'actualité, j'ai lu les journaux, et c'est vrai qu'il y avait une double page dans Paris Boum Boum, et il parlait du scandale financier de la SPA, et moi, je trouve ça dégueulasse. Dans Paris Boum Boum. C'est pas cher. C'est bizarre, parce que j'ai pas du tout le même article que toi. Mais c'est pas grave. On parlait dans plusieurs journaux, c'est pour ça. Il y avait le réverbère et tout ça. S'il te plaît. C'est le lampadaire. C'est le lampadaire, c'est pas ça. Cher non plus. Bon, alors. Bon, debout. Au revoir. Allez, hop. Gérard, tu vas pas commencer à virer les gens tout de suite. Non, laisse-le encore un petit peu. Écoute, c'est pas commencé. Si, on va. Non, mais attends. C'est pas toi qui décide. Non, mais attends. Attends, laisse-le sur l'antenne, encore un petit peu, écoute. Ça va pas commencer comme ça, d'accord? Ça fait 10 minutes que le débat est commencé, tu commences à virer les gens. Alors, capine. Alors moi, d'abord, je tiens à te féliciter, Gérard, pour aborder ce genre de sujet. Tu réponds à la question, de toute manière, les félicitations, d'accord. On verra ça à la fin du débat. Oui. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas les mêmes lectures que ce cher auditeur précédent. Moi, j'ai vu un article très très bien illustré dans Le Monde qui en fait parlait justement du détournement d'argent à la SPA. Mais par contre, ils sont restés sur les questions. Enfin, ils ont posé les questions du détournement d'argent, mais ils sont pas allés plus loin. Monsieur Mazur. Attends, 5 minutes au Capine, on va laisser quand même réagir, monsieur Mazur. Écoutez, monsieur Gérard, qui aurait pu penser qu'une telle chose pourrait un jour arriver dans une société que nous appellerons civilisée, malgré... C'est la décatombe. Malgré tout, écoutez, moi je suis complètement, les mots me manquent, je suis complètement atterré, n'est-ce pas, par la teneur de ce scandale, et c'est tout à fait scandaleux, je le répète, de s'attaquer à des animaux sans défense qui, au bout d'une semaine, je vous le rappelle, sont piqués. Sans aucune pitié par le... Mais non, mais attendez, monsieur Mazur. Monsieur, donc, attendez. S'il vous plaît. Je vous écoute, monsieur Gérard. Il faut bien se dire une chose. Oui. C'est que là, j'ai l'article, mais il y en a trop à lire. Hein? Est-ce que tu pourrais lire les grandes lignes? Attends, tu vas peut-être me dire que je suis bourré, c'est ça? Non, c'est pas ça. Je te demande juste de lire les grandes lignes, parce que pour tenir au courant les auditeurs et puis ton cher public. Je suis pas au courant de ce qui s'est dit dans cet article et ça m'intéresse en fait. Bibi Froc, on a Bibi Froc en plus. De 118.8. Oui, bonsoir, c'est Bibi Froc, j'appelle de Montpilon-sur-Blesmo, 118.8. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, donc t'as entendu la question? Sur le scandale de la SPA? Oui. Bah oui, malheureusement, ouais, je suis au courant, Gérard, et je suis avec toi. Hein. C'est dégueulasse, surtout en période électorale, ça tombait. Non, mais attends, on parle pas de période électorale, d'accord? Non, mais c'est juste pour dire que ça tombe au mauvais moment, quoi. Oui, non, mais on parle pas des périodes électorales, d'accord? Oui, d'accord. Ça, la politique, faut pas confondre la politique et ce qui se passe à l'heure actuelle avec les histoires de la SPA. La SPA, je peux te dire une chose. Mmh. Hein, je vais pas m'éterniser là-dessus, ouais. Hein, parce qu'il y en a trop à dire. C'est que bon, il y a un dénommé Monsieur X, donc qui est le nouveau président de la SPA, qui est accablement à la dérive sur la gestion passée de l'association. Et donc il y a eu des détournements de fonds de 1,116 milliard de francs à l'heure actuelle qui sont dans la nature. Hein. Donc des fiscales ont été piquées dans les caisses. Donc ça, c'est des trucs que j'ai là sous la main. Vas-y, continue. Mais attends. C'est dans quoi? C'est dans l'équipe? C'est dans quoi? Non, c'est pas dans l'équipe, c'est dans un journal que j'ai récupéré, que Max m'a donné pour qu'on puisse faire le débat, parce que je savais très bien ce que j'allais faire. Donc le truc est assez important. Les chiffres, je les ai. Hein, je les ai sous la main. Et je peux vous dire une chose, qu'à l'heure actuelle... c'est un peu dégueulasse ce qui se passe. Gérard, oui. Pour aller dans ton sens, c'est au Capine. Là, tu viens de dire le chiffre de 116 milliards, mais il faut savoir que la femme de ce monsieur X, ZZ, l'épouse de X, a annoncé 120 milliards. Où veut vivre avec 120 milliards. Ah là, c'est énorme, ça. Non, mais attends, moi j'ai 116, j'ai ça, j'ai pas d'autres chiffres derrière. Hein. Bon, maintenant, peut-être... Pour massacrer des animaux. Non. Dans le Gard, où la trésorerie se faisait escroquer par des vendeurs de publicité fictive pour 1,500,000 francs. Oh là là. Dans quel Gard? Malheureux. Dans quel Gard? Non, c'est pas dans quel Gard, c'est dans le Gard. Ça n'a rien à voir avec les gares SNCF. Donc voilà, donc on va pas s'éterniser sur ça. Ouais. Hein, moi je pense qu'à mon avis, cette personne-là devrait être sanctionnée, c'est tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, donc la question est à la... On y est pensé. Alors pensez-vous qu'il n'y a pas assez d'associations pour les animaux? Ouais. On va demander à Bibi Froc. Bah écoute, ouais, quand on voit Attends, 5 minutes, Bibi Froc. Oui. Site internet du Nouveau Lan, Gérard, alors déjà un petit point pour le nombre de connectés. On a commencé à 1664 tout à l'heure, et là au bout de 20 minutes, on est quand même à plus de 4660, un truc comme ça. Donc ça va, pour l'instant ça se passe bien. Attends, 5 minutes, je te coupe. Eh, le standard, ça vous dérange de travailler là que de discuter? Non, mais tu sais, la SPA, nous... Non, mais c'est bien, vous aimez pas trop les animaux, mais je vois que les 24 000 sonnes... J'aime bien les chattes, mais à part ça... Oui, non, mais on s'en fout de ce que t'aimes pour l'instant. Oh. Je t'ai pas posé si t'aimais les chiens, les chats, les singes, les crocodiles ou les éléphants. Moi, je vois qu'à l'heure actuelle, les 24 000 sonnes, et apparemment, vous êtes en train de dormir. Ah, oui, alors, faudrait... Non, Karine, s'il te plaît. Karine, s'il te plaît. Karine, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu m'as dit hier? Attention. Fun Radio, bonsoir. Bah ouais, non mais t'éteins ton micro. Oh! Ça y est, là, au standard, là, vous avez bien travaillé, hein, parce que sinon, vous avez morflé. Ouais, je t'entends mal. Ouais, c'est bon, là, bon. Alors, attends, Gérard, j'avais une question internet très, très, très, très, très pertinente de Pine de Lapin. En tant que marraine de la SPA, Loana a-t-elle une place gratos dans le chenil? Alors attends, pour question Loana, ça, on va pas parler des histoires comme ça, parce que là, c'est un débat que je ne ferai jamais. Parce que c'est à propos de la SPA. Non, quoi. Ouais, non, mais même elle, de toute manière, elle, je vois pas pourquoi qu'elle se permet de. Bon, de toute manière, je peux pas lui répondre, parce que pour moi, Loana n'a rien à voir là-dedans. Ah ouais? Non. Pourquoi quoi? Non, ben bah, là, ça, elle, avec ce qu'elle a comme problème, il vaut mieux de s'occuper de ses problèmes que de s'occuper des animaux. Donc voilà, c'est tout. Ok. Donc, bon, Bibi Froc. Bibi Froc, s'il te plaît. Bonjour, des parentaines. Écoute, les associations, moi, je pense qu'il y a des gens qui perdent du temps à faire des associations, tu sais, qui ont un peu trop rien à voir, genre pour lutter contre l'illettrisme ou. Non, attention, Bibi Froc, attention, ouais. Je ne parle pas des associations hors-dehors de la SPA. Là, c'est un débat sur la SPA. Ouais, c'est un débat qui est quand même assez... Débat, hein. Non, mais attention, c'est un débat qui est quand même assez grave, qu'on entend parler régulièrement, donc il ne faut pas mélanger. Est-ce que je peux finir ma phrase? Qui perdent du temps à faire des associations complètement inutiles comme celle que je te citais, l'illettrisme, la conservation du patrimoine, tout ça, alors qu'il ferait mieux de faire des associations pour les animaux. C'était ça que j'allais te dire. Ben oui, mais c'est justement ce que je te demande. Pensez-vous qu'il n'y a pas assez d'associations pour les animaux? Eh ben donc, en l'occurrence, c'est oui. En l'occurrence, c'est oui. Il faut arrêter de faire des associations qui n'ont aucune utilité, comme celle dont on vient de parler, et faut s'occuper de la SPA, tout ça. D'accord. Ils luttent contre les maladies nosocomiales, tout ça, ça n'a rien à voir. Des souris, des chats, des chiens. Non, mais ok. Aux abeilles. Oui, à l'abeille. Moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas d'association dans le sens où il y a plein de personnes qui s'occupent des animaux individuellement, et en fait, s'ils se réunissaient tous, ça créerait une super association qui serait plus puissante que la SPA et qui ne soignerait pas que des chiens et des chats. Et une influence sur la protection des oiseaux, parce que c'est vachement important, les oiseaux. Ouais. Non, mais attends, pour l'instant, on te parle des animaux, on ne te parle pas des oiseaux. Les oiseaux, c'est pas des animaux. On te parle des animaux, nos amis les bêtes. Les oiseaux sont mes amis. Ah ouais, d'accord. Tu prends ça comme ça, toi? Écoute. Ah, ok. Attends, qu'est-ce que t'entends par nos amis les bêtes? C'est les chiens, les chats, c'est ça? Ça s'arrête là? Bah, les chiens. Les domestiques, hein, les chats domestiques. Bah, les animaux domestiques qu'on a et qu'on aime, c'est tout. Oui, alors peut-on considérer les morpions comme animaux domestiques, monsieur Gérard? Monsieur Mazur. Monsieur Gérard. Les morpions? Oui. Les morpions, c'est des trucs que certaines personnes ont et c'est tout. D'accord? On dira pas les noms. Écoutez, tout à fait, bien entendu, mais... Ok, Alain Bourgoin... Non, Alain Bourgoin du Gras. Il est parti. Bon, dans ces cas-là, on récupère la personne que j'ai demandé. Non, et hop. Ah, parce qu'à la place du gros machin, là, il y a Bibi Froc. Ah ben ça y est, lui, il a répondu, donc pour me prévenir quand vous virez des gens au standard comme ça. Ah non, on n'a rien viré là. C'est toi qui avais viré Alain du bout du gras. Ah non, parce que Babouche, il a dit on le gardait pour un instant. On le gardait un petit peu, attends. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'obéis à Gérard, pas à Babouche. Hein. Ouais, mais... Allez, le débat. Oh, dans ces cas-là, quand il faut le virer, qu'est-ce que t'as oublié de faire? Bah, il faut mettre ça quand on vire quelqu'un. Bon, voilà. D'accord. Donc le prochain coup, tu le mets, ok? Ok. Merci, alors au capille. Oui, au capine. Alors d'abord, avant tout Gérard, je tiens à te féliciter encore une fois pour ce débat d'actualité, encore une fois. Et c'est vrai que la SPA est en position monopolistique sur le marché des animaux. Et je pense qu'il faudrait décentraliser en fait le pouvoir de la SPA. Parce qu'on voit bien la dérive que ça peut entraîner. À savoir des capitaux qui s'enfuient je sais pas où, vers la Suisse ou vers l'Espagne. Non, mais attends, on parle pas des capitaux pour l'instant. Je te demande s'il faut créer d'autres... pensez-vous qu'il n'y a pas assez d'associations? Pour moi, non. Il faudrait en créer d'autres. Maintenant, à savoir lesquelles, ça, je te laisserai répondre à la question parce que je sais que tu es mieux placé là-dessus que moi. Non, pas du tout. Hein. Si je fais un débat là-dessus, c'est que même moi... Comment ? Si tu fais un débat là-dessus, c'est que tu connais rien. Et c'est comment ton nom, toi ? C'est quoi ton nom ? Roberto, bonsoir. Alain Bonzin Dubourg, hein, je crois. Non, non, il est déjà plus là. Si, si, je suis revenu. C'est Alain, bonsoir. Karine ! Bonsoir, c'est Alain du bout du gras. Oh, Karine ! Bah non, écoute ! Je te foutrai un coup de chevrotine dans Alain Dubourg. Alain Bourgoin Dubourg. Alors, du bout. On lui a dit au revoir ! On lui a dit au revoir il y a longtemps. Bah non, mais pourquoi qu'il est encore là ? Bah, Bibi Froc, eh ben, dans ce cas-là, bon, on va lui dire au revoir à celui-là aussi. Déjà? Déjà? Ouais, ouais, bon, on lui dit au revoir. Comme ça, ça y apprendra à dire des conneries. Allez, pas de conneries! Pas, allez, allez, je cherche pas midi à 14h. Allez, hop! C'est le boss. Alors, monsieur Mazur, pour terminer. Mais écoutez, moi je crois que des associations, il y en a assez dans notre beau pays, n'est-ce pas, monsieur Gérard? Je préconiserais plutôt de s'occuper de cela à un niveau international, bien entendu. Vous voyez, il y a toutes sortes de races d'animaux qui ne bénéficient pas de protection. Je pense par exemple aux loutres de Laponie ou bien encore à la couleuvre du Texas, qui est une espèce en voie de disparition et qu'il faudrait à tout point protéger, n'est-ce pas ? Non, mais attendez, parce que moi je vais vous répondre. Maintenant que tout le monde a répondu, moi je pense qu'une... Moi je peux vous dire une chose, que la SPA à l'heure actuelle a trop d'animaux. Et ils ne peuvent pas tout gérer. Donc il n'y a pas assez d'associations. Il faudrait qu'il y ait d'autres trucs comme la SPA qui puissent recueillir des animaux. Attendez, laissez-moi finir. Tous les centres de la SPA à l'heure actuelle sont débordés. Ouais, c'est vrai. Mais là c'est au Capine. Tu sais bien, bon Gérard, t'aimes pas trop parler politique, mais est-ce que tu penses que certains partis politiques pourraient s'approprier le truc ? Non, mais ça, la politique et puis la SPA, ça n'a rien à voir. Faut pas tout confondre. Ouais, ça, maintenant, ça, il y a eu un détournement d'argent. Là-dessus, la question, elle est claire. Allez, faites. Maintenant, Gérard, oui, monsieur Mazur. Vous dites que la politique et la SPA n'ont rien à voir, mais je suis désolé, j'ai vu, il y a à peu près une semaine de cela, un homme politique dont je tairai le nom, aller adopter un petit bâtard dans un des refuges de la SPA. Oui, mais d'accord. C'est un mec de nature, pêche et fellation. Tradition. Oh, c'est bon, là, vous arrêtez de dire les noms, parce que... Allez, au Capine, au revoir. Pourquoi ? Au revoir. Déjà ? Au revoir. Ils sont partis, nature, pêche. Au revoir. C'est bien, ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pouvais rajouter d'autre ? Bon, donc, il faudrait quand même qu'on récupère qu'il y ait d'autres associations, parce que la SPA, pour un sens, sont débordés, que ce soit sur la région parisienne ou même voire en province. Il y a trop de demandes d'adoption, mais il faut dire une chose, que certaines personnes ne peuvent pas les adopter, malheureusement. D'accord. Alors justement, à ce propos, Gérard, j'ai une question internet de Seigneur. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est une proposition. Il propose, pour remédier au problème de la SPA, qu'elle fusionne avec la DAS pour former la DAS-PA et faire des promos, genre un gosse adopté, un animal offert. Donc ça, c'est Seigneur, hein, sur le net. Alors, Simon. C'est quand même assez... C'est à propos du débat. Non, mais Simon, tu vois, je suis bien gentil avec toi. Je t'ai demandé de participer sur le net. Mais tu vois, une connerie comme ça... Ah ben, c'est pas moi, hein. Non, mais Seigneur... Oh, tu peux les trier quand même. C'est Seigneur. Seigneur, je vais te dire une chose. Malgré que tu t'appelles Seigneur, tu vas te faire enculer. Oh voilà. Parce que ton truc de la DAS, tu vas te le carrer dans le cul, mais bien profond. Direct. Et je ne veux plus t'entendre réagir sur le net. D'accord. Merci. Je l'efface, regarde. Et donc, on va s'écouter... on accueille Brigitte Daubard. Bonsoir. Bonsoir, c'est Brigitte Daubard, je sens pas très bon. J'appelle de Paris. Bonsoir Gérard. Bonsoir, et on accueille aussi Rouge Gland. Oui, c'est Rouge Gland de Saint-Quetard en Vaseline. 113.76. Bonsoir. Si vous commencez à vous foutre de la gueule du monde, vous allez gerber vite et bien fait. C'est clair. Alors vous allez vous calmer. C'est pas possible, j'ai rien mangé ce soir. Alors tu dégages, au revoir. Au revoir de Daubard. Oh non. Voilà, tant pis pour ta gueule. Ouais, t'es vulgaire, Gérard. Tant pis pour ta gueule, c'est comme ça maintenant, c'est tout. Je vous préviens, il est 1h du matin, on n'en est qu'à la deuxième. Alors maintenant, vous allez fermer vos gueules. Gérard, qui as-tu viré ? Brigitte Daubard. Déjà ? Ah ouais, ça y reprendra. Donc la question est, Brigitte Bardot a-t-elle raison de défendre pour ne pas tuer les animaux? Brigitte Bardot a-t-elle raison de se défendre pour ne pas tuer les animaux? Et on va s'écouter Wapoud, les chats, je sais pas quoi. Ouais, faut dire, Babouche vous le redira. Et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000 et sur le net www.funradio.fr. À tout de suite. Ce soir. Vous répondez à la question, vous servez. Les débats de Gérard. Radio. Vous arrêtez de vous prendre la gueule derrière parce que tout à l'heure ça va, j'en sois pas au hasard. L'émission la plus trash de la bande FM. Eh, hey, tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Et voilà, donc rebonsoir à tous, vous venez d'écouter Wouf Wouf, les chats sauvages et tout ça, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0800 3 018 0800 25 0. Merde, j'ai plus le numéro de téléphone. Eh ben Gérard, c'est du propre. Oh, puis il est même pas affiché derrière moi. Ah ben. Donc c'est 0825 08 5000, c'est ça? Ouais. Donc vous pouvez appeler, il y a Karine et Aurélie qui est au standard. Sur le net, Simon, s'il te plaît, tu me le donnes parce que moi je l'ai pas en tête. Ouais, donc le c'est funradio.fr/loul@. Voilà, donc à l'heure actuelle, on était à 7292, donc c'est déjà pas mal. C'est bien. C'est déjà bien pour... il est quand même 1h du matin, on est déjà arrivé qu'à la troisième. Donc j'espère qu'on va se réveiller un petit peu plus et puis que ça va bouger un petit peu. Alors Monsieur Mazur, rebonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Gérard. Scooby-Doo. Oui, bonsoir, c'est Scooby-Doo. 119.9. 119.9, Saint-Jean-de-Buz. Bonsoir tout le monde. Et Scarabée 101.9. Scarabée, il est parti. Oh là là. Il a raccroché au nez, à mon nez. Oh là là. Eh ben tu le rappelles. Cool, hein, ah non. Bah si tu le rappelles, je suis désolé. D'accord. Tu rappelles le scarabée. Oh. Ouais. On se réveille s'il vous plaît au standard ou sinon je me lave et ça va chauffer pour votre matricule. Oh là. Karine. Le standard. Karine s'il te plaît là tu qu'est-ce que tu m'as dit? Oh. Oh. Eh, c'est qui commande là? C'est toi. Hey, on a entendu le téléphone. Non mais là, tu me rappelles le scarabée s'il te plaît tout de suite. Là, c'est un bordel, quelque chose de mignon. Bon Gérard, le débat, allez, vas-y, il est 1h là. Alors Brigitte. Oh. Karine, le stop. C'est la ligne, regarde. N'utilise pas cette ligne alors. N'utilise pas cette ligne. Tu prends pas cette ligne là, t'en prends une autre. Bah, il faut attendre parce que les autres marchent pas. Non. Pas sur trois lignes. Non, c'est bon. Ah, ça y est. Ah, alors, ça va comme ça. Donc, tu rappelles le scarabée 101.9. Gérard, le débat. Donc, Brigitte Bardot a-t-elle raison de se défendre pour ne pas tuer les animaux? On va demander à Monsieur Mazur. Écoutez, Monsieur Gérard, excusez-moi, mais je crains de ne pas comprendre la question. Pouvez-vous la formuler autrement? Non, mais est-ce que Brigitte Bardot... se défend contre les animaux ou bien... Est-ce qu'elle a raison de se défendre pour éviter que les gens... tue les animaux pour en faire de la peau. Mais c'est pas elle qu'elle défend, c'est les animaux. Oui, bien entendu. Bah attends, t'es qui, toi? Mouya. Oh! Mouya. Quoi? Mouya l'abeille. Et ça répond plus, hein, scarabée, apparemment. Non, mais attends, mais c'est... qu'est-ce que vous perdez au standard, là, ce soir? C'est Alan, non? C'est quoi, là, la nana, là, qu'on a? Je suis là depuis le début. Hein, elle est là depuis le début, Gérard, Mouya l'abeille. Mouya l'abeille, alors. Je te rappelle pas. Oh, regarde tes fiches. J'ai même pas la fiche, j'ai Monsieur Major, normalement, j'ai Scarabée, et après, j'ai Scooby-Doo. Mais regarde par terre. Là, j'ai rien. Non, mais tu nous as demandé la fiche tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le marquer. Bah alors, elle est là-bas, la fiche. Oublié, Gérard. Oh là là! Putain, mais c'est quoi ce bordel là? On fait une jolie fiche toute propre. Vous essayez de joindre le scarabée? Et vous arrêtez derrière, s'il vous plaît! Ta gueule! Oh putain! Et je sens qu'on va pas faire 15 questions ce soir, hein! Bon, allez, Gérard, le débat, écoute! Non, monsieur Mazur! Oui, monsieur Gérard. Je vous écoute. Bah, vous répondez à la question ou quoi? Eh bien, écoutez, monsieur Gérard, si vous n'étiez pas omnibulé par le standard et vos fiches, j'aurais pu répondre à cette question depuis longtemps. C'est clair. Bah, alors maintenant, je vous pose la question. Eh bien, je vais vous y répondre, monsieur Gérard, calmez-vous. Eh bien, écoutez, bien entendu, cette personne, Brigitte Bardot, a tout à fait, c'est tout à son honneur de défendre la cause animale, bien entendu, parce qu'à son âge, il faut dire qu'il ne lui reste plus guère que cela. Et je dois dire en tout cas qu'elle le fait très bien. J'aimerais prendre pour exemple cette levée de bouclier de sa part concernant l'affaire de ce célèbre rappeur, Joey Starr, n'est-ce pas? Non, mais c'est bon, on va pas s'éterniser. Attends, il s'est quand même tapé avec un capucin, quoi. On va pas s'éterniser sur ça! Quand même, hein. Monsieur Gérard, pouvez-vous m'apporter des précisions sur des violences qu'il aurait apportées à son petit singe ou un animal de ce genre, avec ses grosses bagouses? Mr. Capucin! Bon! Alors maintenant, vous allez fermer vos gueules! D'accord? J'aimerais répondre à cette question, Gérard. Et moi, Gérard, j'ai un début de migraine. Là. Je m'en fous! J'aimerais répondre à cette question, Gérard, si tu me le permets. J'ai décaché, si tu veux. Gérard, tu me le permets? C'est qui? C'est rouge. J'aimerais répondre à cette question. Tu sors d'où? Bah, j'étais avant le Scud, je suis désolé, c'était rouge gland de 5 états en vaseline. Oui. Non, toi, je t'avais dit au revoir. Non, pas du tout. Hein. Non, Gérard, mais bien sûr que... Non, j'aimerais répondre à la question. Non, Gérard, t'as fait sauter l'internet. C'est possible. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Karine? Gérard est super énervé, là. Réponds-lui. C'est quoi ce bordel ce soir? C'est quoi ce bordel? C'est qui ces auditeurs? Qu'est-ce qui se passe, Gérard? C'est quoi ces auditeurs que j'ai même pas de piche? C'est quoi, ils sortent d'où là? Oh là là là là! Putain, mais merde! Ouais. Gérard, c'est la catastrophe. Depuis que t'as tapé sur la table, on est passé à 1233. Ouais, bah, ça commence à bien faire ce soir. Là, il faut peut-être vous réveiller, ce standard. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Arrête de crier, toi. Ouais, bah, arrête de crier, tu fais même pas ton boulot. Bah, t'as raison, ça réveille. Ouais, bah... Bon, le vieux couple, là, c'est fini, on y va? Il est 1h05. Hein? C'est pas un couple. T'aimerais bien, Gérard. Hein. Mais non, arrête, vas-y. Non, t'oserais pas. Bon, Gérard, le débat. Rouge blanc. Je sais pas d'où qui te sort, celui-là. J'aimerais répondre à la question sur Brigitte Bardot. Déjà, je tiens à dire que je respecte ses convictions de femme, parce qu'elle a fait du cinéma. Et celui qui s'amuse à Pierre le Piaf, arrête. J'aime pas trop les oiseaux. Et donc, elle a fait du cinéma, et ensuite, elle a fait une œuvre caritative en faveur des animaux. Mm-hmm. Par contre, il y a un truc qui m'a surpris dans ses actes. Je sais pas celui qui arrête. Putain, mais je vais parler français tout à l'heure. Je sens que je vais m'énerver, je vais virer tout le monde. On va reprendre des nouveaux éditeurs. Parce que vous commencez à me casser les couilles. Mais non, monsieur Gérard, votre débat est... Vous commencez à me casser les couilles. Voilà, Gérard, qu'est-ce qu'on fait là? C'est le bordel là. On a combien sur le net? Ça grimpe un peu, rassure-moi. Pas terrible, ça remonte qu'un petit peu. 2412. Ah, mais faut pas taper sur la table. Je sens qu'au standard, tout à l'heure, vous allez m'entendre chanter la Java de Broadway en japonais. Vas-y. Et vous allez voir comment ça appelle. Non, mais tu rigoles, mais là, on perd de l'audience. Non, mais là, vous allez me faire du boulot correctement. Alors, attends. On va mettre un disque après, on va se calmer parce que là. Attends, tu rigoles, mais ça fait ça. Qui c'est qu'on a là-dedans? Eh, c'est quoi là, toute cette fiche? Allez, merde, balance un disque, allez hop. Ouais, vas-y, Gérard, on n'a pas posé beaucoup de questions là. Tu rigoles, tu prends ça à la plaisanterie. Eh, c'est quoi ce bordel? Je t'explique, il y a Monsieur Mazur sur la ligne 1. Oh, j'en ai marre. Sur la ligne 3, il y a Rouge Gland. Non, sur la ligne 3, c'est Scooby-Doo. Non, c'est sur la 7, Scooby-Don. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Oh là, l'organisation. Alors, Attends. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard. Scooby-Doo. Oui, bonsoir. Petite loutre. Allô. Petite loutre. Allô. Bonsoir. Ragondin City, 102.8. Bonsoir. Rouge Gland. Bonsoir. Et celui qui sait... Oh putain, mais vous a... Eh, je vous préviens. Il y a moi aussi, hein. Mais tu sors d'où, toi? C'est moi. Oui, l'abeille. Putain, mais oui, c'est... l'abeille. Mais c'est quoi ce bordel? J'ai deux personnes sur la même fréquence. Monsieur Capucine. Mais c'est quoi ce bordel au standard? Monsieur Capucine. Monsieur Capucine. Eh, Gérard, faut faire quelque chose. Oh non, mais attendez. Attends, Gérard, s'il te plaît. Écoute, s'il te plaît, deux secondes. On va bien travailler maintenant. Reprends tout comme si on n'existait pas, et après, ça va aller. Non mais, on a besoin de... tout à l'heure, je vais pas reprendre comme si qu'il faut bien travailler. Tout à l'heure, je vais me lever, je vais vous en coller une à chacune. Oh, okay, vous allez bien travailler, parce que là, c'est le bordel complet. Voilà, mais justement... Alors, j'ai Monsieur Mazur, Scooby-Doo, Petite Toute, Rouge Gland, Will Abeille, sur deux mêmes fréquences, je comprends plus rien. C'est le bordel voilà, complet. Parce qu'on s'est trompé, parce que... C'est moi qui ai fait une erreur, parce que... Non, c'est moi, c'est moi. Moi, après, j'écris. Voilà, Gérard, on peut plus, hein. Oh là là là là là là. On est à 10, je crois, là. Parce que, tu vas faire chuter, c'est même pas la peine, là. On reprend sérieusement. Gère ton débat. Non, mais c'est quoi, là, ce bordel, là? Ça va aller. Non, mais ça va pas du tout, les filles. Non, mais ça attendez. Ça va aller. Je dis ouais, pas non, mais ça ira. C'est pas que ça va pas aller, c'est que maintenant, va falloir bosser correctement parce qu'il est 1h10. On en est qu'à la troisième. On va mettre un 10. Il reste 12 à faire. On va effacer toutes les filles. Là, ça commence comme ça. Gérard, on met un 10. Si vous n'avez pas bossé, vous le dites, vous restez chez vous. Tiens, il y a le titre, là. Hein, on adore bosser avec toi, mais c'est dur. Ah ouais. Toi, je t'ai prévenu, d'accord? Tu vas faire la vaisselle ce soir. Alors, cuit, oiseau de nuit, et on se retrouve tout de suite après, merci. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique. Celui qui a sa musique derrière, arrête. L'émission la plus trash. Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous donc pour sur ce qui s'est passé tout à l'heure sur le net. Bon, excusez-moi les auditeurs, donc vous pouvez y aller. Donc on venait de s'écouter cuit l'oiseau de nuit. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0825 08 5000. Et sur le net www, je sais pas quoi, Simon va vous le dire. Bon Gérard, tout à l'heure t'as tout niqué, mais ça remonte doucement. 5999, faut arrêter de taper sur la table, hein, franchement. Mais ça, c'est tout cassé, sinon. Et donc j'ai une question de Mac Wallace qui demande si t'aurais aimé être distributeur de yaourt à la SPA. Alors cette question-là, c'est même pas la peine de la poser parce que j'ai... Mais si tu réponds à aucune question... Non, mais ça c'est une question de con. D'accord, parce qu'ils savent que j'ai travaillé à Paris 10, donc automatiquement, comme je m'amusais à mettre les yaourts, automatiquement, c'est pour ça qu'ils veulent faire allusion à ça. Et donc voilà. Et donc ça t'aurait plu ou pas? Non. À la SPA? Non, pas du tout. Ok. Voilà, donc alors pour ça, on récupère Monsieur Mazur pour continuer le débat. Oui, tout à fait, Monsieur Gérard, oui. Rouge Gland. Oui, bonsoir, j'espère que vous êtes calmé. Petite Loutre. Bonsoir, c'est Petite Loutre Mystère, merci. Et j'appelle de Ragondin City. Ah bah le voilà. On le cherchait. Non mais Karine. Oh mais j'ai rien dit. Karine, s'il te plaît. C'est quoi ce Ragondin Mystère qui est encore là dans Petite Loutre? C'est Petite Loutre Mystère et non pas Ragondin. Ragondin, c'est ma ville. Ok, Scooby-Doo. Vous, je présente Scooby-Doo. Ok. Je préviens tout de suite qu'on va pas s'éterniser et le premier qui répond mal à la question vire, hein, parce que ça bordel. On est déjà à 1h15, faut peut-être accélérer. Donc la question, tout le monde l'a compris, alors maintenant vous allez répondre. Malheureusement non, tout le monde n'a pas compris. Qui a pas compris? Je suis désolé Gérard, c'est Petite Loutre. Non mais attends, tu te fous de ma gueule ou tu prends le métro toi? Je viens d'arriver. Non, tu viens pas d'arriver avant que je pousse ma gueulante. Oui. Tu as très bien compris la question. D'accord. Alors tu réfléchis ou sinon d'accord, je te dis au revoir. Tu choisis. Je réfléchis. Alors tu réfléchis, le temps que tu réfléchisses, tu vas réfléchir au standard définitivement. C'est bon. Il va réfléchir au standard. Il était là quand j'ai posé la question. Quand il y a eu le bordel, il était là. J'aimerais répondre, c'est Rouge Gland. Rouge Gland, vas-y. C'est toujours la question sur Brigitte Bardot. Oui. Ouais. Alors, c'est ce que j'ai essayé de te dire tout à l'heure, mais bon, apparemment, tu étais un petit peu énervé. J'aimerais un petit peu recentrer le débat, parce que c'est quand même un débat de fond. Et c'est très agréable que tu fasses ça sur Fun Radio. Puis, je voulais te dire que, bon, Brigitte Bardot, c'est vrai que, bon, connaissant son immense carrière d'actrice, ensuite, elle s'est recyclée dans l'aide aux animaux. Mmh. Et je trouve ça louable comme truc. Mais par contre, il y a un truc, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Gérard. Je sais pas si t'as entendu parler de l'épisode de l'âne castré. Oui. Non. Parce que merci pour le larcène. C'est toi, Gérard, qui fait du larcène. Ouais, c'est pas bien. Ouais. Je sais pas, parce que je te l'explique en vite fait ou pas? Vas-y, parce que si c'est une connerie, je vais te dire une chose. Non, c'est pas une connerie, c'est véridique. Fais gaffe à ce que tu vas sortir. C'est véridique, Gérard. Non, mais je te préviens. Fais gaffe à ce que tu sors. Bon, bah alors, je préfère passer mon tour. Ah, bah alors, dans ces cas-là, tu ferais mieux de fermer ta gueule. Très bien. Ça vaudra mieux que de l'ouvrir, d'accord? Alors, petite toute, maintenant, t'as compris la question? Ah non, pas plus, mais j'ai... Bon, alors, petite toute, t'as rien compris. Allez, hein? Bonne nuit. Allez. Ah, celui-là, comme ça, il comprendra mieux ce que ça voudra dire. Un peu plus de tolérance. Scooby-Doo, oui. Bah, monsieur Mazur, c'est pareil, vous allez vous calmer parce que ça commence à... Il a rien fait, monsieur Mazur, vous énervez tout seul depuis tout à l'heure. Toi, ma grande, tu vas me faire le plaisir, tu vas me faire le plaisir de faire ton boulot correctement, sinon je vais m'énerver. Petit Gérard, je voulais dire que on accueille Scarabée. Ah, quand même, à la place de petite loutre. Voilà. Monsieur Scarabée, bonsoir. Monsieur Gérard, bonsoir. Excusez-moi, hein, 115.8 la fréquence. 115.8. Merci pour le Larsen. Mais c'est toi, Gérard. Abaisse ton casque. Mais, abaisse mon casque, tu vas pas. J'abaisse mon pantalon non plus. Oh bah, ça fait peut-être plaisir à Karim. Bon, c'est bon, toi. Bon, le débat. Allez, le débat, là. Bon, allez, je répète la question pour Scarabée. Non, bah non. Non, c'est bon, vous avez entendu? Oui, tout à fait, monsieur Gérard, je l'ai entendu, la question. Bon, bah alors, c'est bon. Alors, attendez, avant que vous répondez, monsieur Scarabée, je vous préviens. Ouais. Scooby-Doo, Rouge Gland, monsieur Mazur et Scarabée, j'espère que là, vous allez comprendre les questions et on va terminer au moins jusqu'à 2 heures avec vous. Ouais, mais faudrait pas que tu t'énerves trop quand même. Ouais. Non, mais Rouge Gland, je te préviens, tu réponds correctement aux questions, c'est bon. Monsieur Mazur, pareil, et Scarabée, pareil. Parce que là, j'ai envie de terminer un débat correct. On était à 7002, j'ai fait une connerie, j'ai assumé. Bon, je m'en suis pris après tout le monde, c'est normal, parce que c'est moi qui commande le jeudi. Ah, donc là, je veux que le débat se termine à plus de 10 000 connectés. On est remonté. Alors, la question. On est à 7214. Monsieur Gérard, j'aime vous entendre comme cela. Alors, Putain, c'est... Ah, c'est toi, Gérard. Ouais, ça doit être moi, mais ça doit être là-dedans que ça... Bon, tu bricoleras ça après, on y va là. Voilà. Gérard, j'ai une question internet rapide. Ouais, vite fait. De Biquette, combien coûte un chat en euros? Putain, ils vont commencer à me prendre la tête, à me poser des questions que je sais même pas. Pour l'instant, je ne sais pas exactement. Ah bah c'est Biquette qui a demandé. Hein. Ouais, bah Biquette, elle va se calmer, la Biquette, parce que elle a qu'à aller brouter dans les pâturages. Allez, monsieur Scarabée, monsieur Scarabée, vous avez entendu la question? Oui, monsieur Gérard. Alors allez-y, je vous ai... Donc, est-ce que Brigitte Bardot fait bien de consacrer sa vie aux bêtes, en fait? C'est un petit peu ça, la défense. Bah disons, c'est Brigitte Bardot a-t-elle raison de défendre, de se défendre pour ne pas tuer les animaux? Donc en fin de compte, si j'explique la question que je voulais poser, c'est de savoir, est-ce qu'elle a raison de continuer de se battre pour éviter qu'il y a trop de personnes qui tuent les chiens, les chats, tout autre animaux qu'on de la peau, pour en faire des manteaux. Voilà. Donc, monsieur Scarabée. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'il y a des animaux qu'on tue de toute façon pour les manger. Ouais, mais c'est au Japon, ouais, je m'en doute. Bah, non, je parle pas que des chiens. En France, on mange, je sais pas, du bœuf, du veau, tout ça. Mm-hmm. Et pourtant, on fait des vêtements avec la peau du bœuf. Hein. On fait des canapés en cuir aussi, avec la peau des vaches. Hein. Ouais. Donc, tant qu'à faire à les tuer pour les manger, on peut faire quelque chose avec la peau plutôt que de l'acheter. Et Dick Rivers, il met que du bœuf au pied. Hein. C'est Rouge Gland. C'est vrai. Non, du crocodile des fois aussi. Ouais, c'est vrai. Rouge Gland, Scooby-Doo. Oui. Calmos. Non, mais j'aimerais documenter un petit peu les propos de... Non. Ouais, non, mais moi, je vous dis Calmos, d'accord? Très bien. Hop, donc, moi, la question, donc, pour moi, elle a raison de se défendre parce que... C'est toi, Gérard. Hein. Ouais, mais là, va falloir trouver un autre casque. Bah, Gérard, je crois qu'il faudrait que tu baisses le son dans ton casque. Ouais, prends ton métier. Ah, mais... Approche-toi pour voir maintenant. Ça sera pas. Voilà. Non, mais t'as ton micro pour voir. Ouais, t'as mon micro tout à l'heure. Je vais t'attendre quelque chose. Toi, tu as retourné au standard. Donc, moi, je voulais dire que Brigitte Bardot, celui qui fait l'oiseau arrête parce que ça m'énerve. Donc, Brigitte Bardot, elle a tout à fait de raison de continuer de se. Oh, c'est fini, s'il vous plaît. Il y a un nid, là. Non, mais ça, faut arrêter, parce que là, ça commence à me gonfler. Alors, Laria, s'il te plaît, tu essayes de me faire du boulot correctement, parce que je vais pas continuer comme ça. Ah bah, bien sûr, c'est moi, attends. Je vais arrêter bien avant 2 heures du matin, si ça continue. Mais c'est pas moi, Gérard, écoute. Je suis désolé. Mais ça, oh là là. Non, mais moi, je veux pas continuer, je veux pas, me casser la voix pour des conneries. Mais c'est un débat à thème, Oui, ouais, mais, au standard. Elle a raison. Hein, les espèces de tourterelles, là, vous la fermez. Non. Et quand je vous appellerai les tourterelles, ouvrez les guillemets, vous parlerez. Ou sinon, c'est vos gueules les mouettes, blâ les goélands, d'accord? Gérard, le débat. Gérard, 8910 connecté sur le net, ça monte, ça monte. Ah bah tant mieux, 8000, donc c'est bon. Donc, le qu'est-ce débat, que je voulais dire? Le débat, ah ouais, j'ai pas répondu moi à la question. Donc pour moi, elle pourrait continuer de se défendre, parce qu'à l'heure actuelle, il y a trop de choses qui se passent, et on en entend de trop sur les radios, et tout ça à la télé. Et ça, c'est des trucs que j'ai horreur d'entendre, c'est qu'on fasse du mal aux animaux. Si les gens prennent des animaux, c'est comme un enfant. Un animal, tu l'aimes, c'est comme un enfant. T'as un enfant, tu l'aimes. Dans ce cas-là, si tu prends un animal, tu es capable de l'assumer comme un enfant. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir d'enfant si tu l'aimes pas, et une bête si tu l'aimes pas. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ma question? Oui, alors là. Donc voilà. Donc faut-il, la question suivante, faut-il plus de manifestations pour adopter les animaux? Donc on va de monsieur Scarabée. Plus de manifestations pour adopter les animaux? Parce que là, à l'heure actuelle, il y a que la SPA qui fait des manifestations pour pouvoir adopter des animaux. Mais est-ce qu'il faudrait pas d'autres association que la SPA? Ah bah si, et tant qu'à faire qu'ils mettent pas de l'argent de côté pour leur poche. Ouais, mais ça on en a discuté dès le départ. Mais je n'étais point là, très cher. Non, il faut-il plus d'associations? Bah, bien sûr, il y en a jamais assez. Mais la question a déjà été posée, il me semble, tout à l'heure, non? Non, parce que c'est que pensez-vous du scandale qui vient de se passer à la SPA avec les 116 milliards là, 116 millions là. 116 milliards de francs. Mais la deuxième question, c'était est-ce que vous pensez qu'il y a pas assez d'associations pour les animaux? Ah oui, autant pour moi, j'ai le droit de faire des erreurs quand je pose mes questions, d'accord? D'accord. Il y en a bien qui font des conneries, je dis rien. Alors hop, tu dis rien, c'est ça. Avez-vous écouté les infos sur les gens? Le prochain, allez, rouge blanc, au revoir. Au standard. Oui, on a rouge blanc. Ça y est, il est parti, c'est un four micro-ondes. Je t'entends mal. Quoi? À la place, c'est un four micro-ondes. Four micro-ondes, bonsoir. Bonsoir, c'est four micro-ondes. Bonsoir, fourmi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Fourmi. Bonsoir Fourmi. Bonsoir. T'appelles-vous? Les auditeurs, Gérard. T'appelles-vous? J'appelle de 114.7. Merci. De rien. Enfin, est-ce que quand je vous demande d'où vous appelez, vous répondez? C'est où ça? C'est d'où, ouais, en plus? C'est près de Bordeaux. Ah bah en plus. Bonsoir, ah oui, je connais. Ah ouais, c'est l'équipe à... Voilà, c'est ça. C'est l'équipe à Mélanie. Hein? Okay. Les bandes de chauvins, là. Oui, le site internet. Oui, Gérard. 5 minutes, s'il vous plaît, sur les auditeurs. Merci. Alors, on redescend un petit peu. On était près de 9000. On est à 8701. J'ai l'impression que c'est mal barré pour les 10 000 ce soir. Non, mais on va y arriver. Deux petites questions. Alors, Des bonnes questions. Bah, je sais pas. Des questions internet. Une question d'Epsilon qui te demande s'il peut te considérer comme l'un de ses 30 millions d'amis. Alors, oui. Oui ou non? Oui, d'accord. Oui. Et Juge de Lyon qui te demande si t'es allé au zoo dernièrement et si de ce fait tu es zoophile. Oh putain. Alors là, tu te considères comme zoophile ou pas? Là, c'est la question, j'y réponds même pas du tout. Et pourquoi? Non, parce que je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport avec la question. Les animaux. Les chiens, ils sont où? Ils sont pas dans un zoo, Mais il y a pas que des chiens à la SPA. Ouais, mais il y a des singes et des crocodiles, on le sait. Comme toi, de toute manière, toi, tu vas me faire un boulot correctement, comme ça. Attends, il fait très bien son travail. Bon, et toi, tu t'écrases un peu, c'est moi qui te demande encore. Alors, avez-vous écouté des infos sur, oh là, si je parlais un petit peu moins vite. Merci. Oh putain, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est toi. Alors, avez-vous écouté les infos sur les gens qui tuent les chiens pour avoir la peau ou les chats? Donc, on va demander à Fourmi-Onde. Aimez-vous les gens qui tuent les chiens? Non, avez-vous écouté les infos sur les gens qui tuent les chiens pour avoir la peau ou les chats? Donc, c'est-à-dire les gens qui tuent, que ce soit chien ou chat, pour récupérer la peau, pour en faire des manteaux. Et on ne fait pas des manteaux avec la peau de chien? Ah ben, la preuve que si. Et je peux te dire que si, Et ça, je vais te dire, je vais laisser répondre tout le monde, ouais. Et je vais te dire exactement que si ça existe. Ah, mais oui, t'as raison, regarde, dans les soins dalmatiens, on veut piquer des feux dalmatiens. Hé, fourmi-ondes. Vos micro-ondes. Ouais, fourmi-micro-ondes, là. Tu vas te calmer parce que tout à l'heure, tu vas te retrouver cramé et tu vas te demander où qu'est passée ta peau. Mais non, mais je donne une explication à toi. Et celui qui fait le cochon, il arrête. Parce que ça commence à me gonfler. Sérieusement. Alors je préviens. Ouais. Il y a toute une ménagerie là. Oh là là là là. Il y a des chevaux, il y a des planeurs. Bon, allez, oh. Terminé, j'arrête de rigoler maintenant. Le premier qui dit une connerie, je zappe. Ouais. Attention. Scarabée. Oui, donc les vêtements en peau de chien ou de chat, c'est ça? Avez-vous écouté des impôts sur les gens qui tuent les chiens ou les chats pour en faire des manteaux? Non, mais cela dit, je comprends. Parce que une fois, j'ai rencontré une dame qui avait un magnifique manteau qui n'était pas en peau de bête, mais en poil. Un manteau en poil de chat, et j'ai trouvé ça très doux, très agréable au toucher. Non, mais c'est... Bon, ok. Scooby-Doo Ouais, moi j'ai un pote qui a un manteau en teckel. Et c'est vrai que l'hiver, ça tient chaud. Maintenant, est-ce qu'il faut rentrer dans le délire carnage des chiens, tout ça, pour s'habiller? Il y a certaines personnes qui le font, je suis désolé. Je suis pas sûr que ça soit la bonne solution, moi. Monsieur Mazur, pour finir. Écoutez, oui, bien entendu, j'ai entendu ces informations et je dois dire que je regrette absolument qu'il n'ait pas communiqué l'adresse des magasins où on pouvait se procurer ces manteaux. Alors, excusez-nous, mais Gérard, il faut que tu commentes cette question, cette photo qu'on vient de m'envoyer. C'est Signorita qui vient de l'envoyer. Non, mais j'hallucine de voir ça. Ah, vas-y, décris-la, parce qu'on fait de la radio. Non, mais j'hallucine. Hey, Monsieur Mazur, Scooby-Doo, Scarabée et Fourmi-Ondre. Ouais. Ah là, j'hallucine. Mais c'est une vraie photo. Non, mais j'hallucine. J'hallucine ce que je vois. Gérard, décris ce qu'il y a. Vas-y. Non, mais attendez, j'hallucine ce que je vois sur le net. Alors là, je sais pas qui c'est qui est, d'où ça sort ce truc. Mais alors, faut vraiment vas-y, voir. Décris, Signorita. Dis-nous ce qu'il y a. Vas-y, décris. Non, mais faut me voir avec un espèce de chat. Mais alors, le chat. Calin, il s'appelle. Calin. Alors, grave de chez grave. Hein. Non, mais c'est bon, ouais, faut me l'imprimer ça. Eh, t'es pas mal comme ça avec un. En fait, ouais, non, mais c'est bon. Allez, on reprend le thème du débat, c'est bon, on s'éternise pas sur ça parce que là. Donne l'adresse. Bah non, c'est compliqué là, mais je vais l'imprimer et puis on va la. Bah non, faut la sortir parce que là, faut arrêter un peu ces conneries. En fait, on voit Gérard avec un énorme chat entre les mains et. Ah non, mais peut-être une chatte. Là, vraiment. Ouais, peut-être. Vraiment, faut être con pour faire ça. Monsieur Mazur, donc, vous avez pas répondu à la question. Mais vous n'avez pas écouté. Ah, bah, excusez-moi, parce que comme on était en train de tout le monde rigoler. Bien entendu, oui. Alors, je disais effectivement que j'avais entendu ces informations et que je regrettais uniquement que l'on n'ait pas communiqué les adresses des magasins où on pouvait se procurer les manteaux. Non, mais ça, bon, moi, oui. je vais quand même répondre à la question. Parce que c'est vrai que ça m'a tué quand j'ai entendu ça. Bon. Je peux vous dire très bien sur quelle radio que j'ai écouté ça. C'est une radio concurrente là où qu'on est hein, à l'heure actuelle. Donc c'est avec comment qu'on l'appelle? Baisse ton casque. C'est avec l'animateur du matin qui fait 10h30 12h30. Fourmi-Ondes, si on s'en fout, tu le dis tout de suite, tu t'en vas. Non mais Gégé, comment ça se fait que tu écoutes la concurrence? Non, mais moi j'écoute parce que je veux savoir ce qui se passe, et c'est de là que j'ai entendu dire qu'il y avait des personnes, et je peux vous dire où que ça se passe, c'est en Belgique. Il y a des gens... Oh, écoute la radio parce que t'as pas de télé. C'est ça, j'écoute ce que je veux, d'accord, et j'ai pas d'ordre à recevoir par des nanas. Non, je sais pas, je me demande. Gérard, le débat, s'il te plaît. Donc, je réponds à la question. Donc, j'ai écouté, et donc j'ai entendu dire qu'en Belgique, il y avait des gens qui tuaient les chiens et les chats pour en faire de la peau. Et ça m'a révolté. Et j'ai même entendu qu'il y a des associations qui se permettent, sans l'accord de la SPA, de faire des faux tatouages. Oh là là. Sur d'autres chiens. Oh là là là. Parce qu'il y a un jeune qui est passé la semaine dernière sur l'antenne, et c'est pour ça que je veux éclaircir cette histoire de SPA et des associations, parce qu'il y a des associations qui mentent, donc ces associations-là, il y en a marre. Vous arrêtez, s'il vous plaît. Et pourtant, elle... Donc, s'il y a des associations qui s'amusent, celui que j'attrape à faire ça va me dégager. Scooby-Doo, au revoir. Ah ben non, non, attention. Hein. Au revoir. Attention, au revoir. Voilà. Donc, je disais que il y a une association. Bon, Max, ça suffit. C'est pas Max. Non, non, mais faut pas déconner, hein. Attends. Non, mais c'est tout. C'est toute l'espèce, c'est le même bordel, j'en ai marre. Gueule pas comme ça. C'est tout. Concentre-toi sur le débat. Vas-y. Donc, je disais que j'en ai marre de voir des associations comme ça qui se permettent de faire des faux tatouages avec des faux carnets de santé, comme il se passe à l'heure actuelle. C'est pas moi, hein. Et qui sont sur Paris. Non, mais alors qui s'amuse à faire des... C'est l'antenne, là. Ouais, non, mais c'est personne. Mais c'est les auditeurs. Non, non. Bah justement, on a viré Scooby-Doo, donc ah, merci. Place, on met Stipi Ali. Donc, ouais, ben, de manière, je vais poser une question, je vais écourter les questions parce que je vais pas aller jusqu'à 2h15, hein. Jusqu'à 2h, je crois pas. C'est qui? Bonsoir, Stipi Ali. On s'en fout des gens qui vont dans le... On dit bonjour, alors je dis bonjour. Non, non, mais on s'en fout, pour l'instant, t'es dans mes débats, t'es pas avec ceux qui... Le débat, Gérard, s'il te plaît. Bonsoir, Stipi Ali. Bonsoir, Stipi. Allô, oui, bonsoir, c'est Skippy Ali. Je suis le kangourou boxeur fou, j'appelle de Kangoo Lover. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, toute l'équipe. Donc, je répétais, donc je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit sur une fréquence qui est concurrente à la nôtre. Vraiment, tu te recules, Gérard. Donc alors voilà. Ouais, si je parle, je m'entends plus derrière. Donc ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une association qui est sur Paris qui se permet de faire des faux carnets de santé avec des faux tatouages. Parce qu'il y a une personne de 17 ans qui avait perdu son chien avec un numéro de tatouage qui a été donné sur l'antenne. Donc je peux vous dire sur quelle station. De manière, c'est dans l'émission de Julien Courbet, donc c'est sur RTL. Et je peux vous dire que ces émissions sont très bien, c'est pas la peine de... Non mais on voit encore des photos, quoi, ça arrête non, pas. Non, mais là, sur le net, je préviens d'une chose. Là, sur le net, vous allez vous calmer, et au standard, vous allez arrêter. Et vous allez me calmer celui qui sait, parce que sinon, ça va dégager. Donc, je disais, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est dans les émissions de Julien Courbet. Donc, cette association-là, très bien se reconnaîtra. Donc, qu'ils arrêtent de mentir sur des trucs comme ça. Parce que faire des faux tatouages, ce n'est pas possible. Avec des faux sorties, bravo, avec des faux carnets de santé. Bravo, donc cette association-là se reconnaîtra. Et je dis à Julien Courbet que je suis tout cœur avec toi pour faire quelque chose. On est avec toi, Julien. Voilà. Alors, celle-là, on va pas la faire. Ouais, bah si, on va la faire, mais on va voir comment ça va se passer. Parce que sinon, je vais vite. Ça va vite. Donc, faut-il laisser ces animaux sur le bord de la route au moment des grandes vacances? On va demander à Skippy. Oui, je pense que non, c'est pas une chose à faire, parce que c'est pas très sympa pour ces petits animaux qui restent tout seuls sur l'autoroute, qui ont de fortes chances pour se faire renverser par un camion qui glisse sur une plaque de verglas. Bon, Skippy. Skippy. J'ai du mal, hein, ce soir. Je suis désolé, Gérard. Non, mais Skippy. Oui, oui. Skippy. Oui. Tu vas rester avec tes kangourous, au revoir. Attendez. Tu veux déjà au revoir, mais j'ai rien bah, il vient au revoir. Ouais, non, non, mais il apprendra une chose, que les plaques de verglas, c'est mon problème, d'accord? Alors, oui, au revoir. Mais... Au revoir. Au revoir. Fourmi onde. Fourmi onde. Moi, je trouve ça dégueulasse d'abandonner les animaux sur le bord de la route. Et en plus, ils pourraient se faire écraser par des voitures. Et puis, on se perd dans la forêt. Franchement, c'est pas cool, quoi. Scarabée. Oh, le standard! Ça va, ça vous dérange d'éteindre le micro? Non, pardon, je vais éteindre parce qu'on allait accueillir Coup de Chienne. Ah non, mais vous allez me refaire une liste parce qu'on va s'écouter une musique. Non, Coup de Chienne. Je finis. Pas tout de suite, hein, vas-y. Ah, si. Vas-y. Si, on fait la question et. On fait la question, donc, Coup de Chienne, là. Bonsoir, c'est Coup de Chienne. Bonsoir, cool. En 15.5, j'appelle. Bonsoir, madame Chienne. Bonsoir, les auditeurs. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Bon, tu réponds à la question. Les animaux abandonnés au bord de la route. Oui. Moi, je dis ça peut se faire éventuellement, mais il faut prévoir son coup, il faut leur laisser une gamelle d'eau, des croquettes. Enfin, tu peux pas les abandonner comme ça, quoi. Si tu les abandonnes, il faut faire ça dans de bonnes conditions. Il faut que ça soit bien fait. Donc, tu leur laisses de quoi subsister pour prolonger la souffrance. Tu peux même les attacher à un arbre, si tu veux. Ah ben, si. Je répondrai après. Ouais. Monsieur Scarabée. Oui, monsieur Gérard. Ah ben, tout dépend des circonstances pour lesquelles on le fait. Vous voyez, c'est vrai que bon, personnellement, j'ai un chien. Ça va peut-être vous choquer ce que je dis, mais je change de chien chaque année. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Parce que bon, je pars en vacances. Ah, non, je prends l'avion. Oh, attendez, monsieur Scarabée. Micro-ondes, là. Non, mais je veux bien les foutre. Il abandonne son chien. Micro-ondes. C'est dégueulasse. Micro-ondes. Mais je t'écoute. On t'a laissé parler. Mais c'est dégueulasse, sinon. On t'a laissé parler. Tu laisses parler les gens, c'est moi qui commande, c'est pas toi qui commande. D'accord. Au demain, Nandator, salut. Donc tu t'es. Alors au revoir. Ah, tu veux la virer? Hop, bonne nuit. Direct. Allez, va voir tes fourmis dans ton micro-ondes. Ah. Wow. Ça l'a réparti. Alors monsieur Scarabée, pour attendez, c'est une question sérieuse ou pas? Attends, monsieur. Ouais, enfin je sais pas, tu vas voir. C'est Calvinator qui demande si tu es tatoué. Bon, alors je réponds même pas. Je suis tatoué, www.funradio.fr. Top, wow, terminé. Ouais. Bravo la répartie, bien joué. Scarabée. Oui. Donc, merci pour le portable. Michel Klein est sur présent. Et j'espère que bonsoir. Le portable à qui il appartient. Ouais, t'es où là? Oh là là là. Bon, allez, vous allez Gérard, réfléchir. Mais vas-y, continue. Il y a un bruit de portable, ça m'énerve. Il n'y a plus rien, là. Donc, Scarabée. Oui, donc, je disais que moi, je change de chien chaque année, parce que si je veux partir en vacances avec mon chien, ça me coûte super cher. Et alors, moi, je voudrais, si vous me le permettez, Gérard, un tout petit problème, c'est que, justement, mon chien, que je change chaque année, je le laisse à un endroit précis sur le bord de la route pour que, quand je revienne de vacances, je puisse le récupérer. Et à chaque fois, il n'y est plus. Est-ce que c'est normal? On verra ça après. Monsieur Mazur. Écoutez, monsieur Gérard, je crois vous rejoindre. Je n'ai qu'un mot, à dire concernant cette pratique totalement abjecte. Eh bien, je dirais que ça pue. Comment? Ça pue, monsieur Gérard. Ça pue. Attendez, mais là, je comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur Mazur, là. Eh bien, oui, monsieur Gérard, ça pue. Abandonner des animaux, n'est-ce pas, sur le bord de la route, ça pue. De toute manière, faut bien dire une chose. Alors, vous direz, bien entendu, monsieur Mazur, ça pue un peu moins. Coupez-moi, monsieur Mazur, parce que je ne peux pas parler. Merci. Donc, je disais que l'histoire... Donc, qui c'est qu'on a, alors, maintenant? Michel Klein, donc, réponds à la question avant que je réponde vite fait. On a aussi Woody Woodpecker. Et Woody Woodpecker, là. Je préfère laisser répondre Woody. On ne s'éternise pas sur... Vous n'allez pas savoir qui va répondre, parce que tout à l'heure, je vais vous faire répondre tous les deux. Je vais vous dire bonne nuit. D'accord. La question, c'est sur... sur quoi exactement? Woody. Oui. Hey, Woody Wood, là. Oui, mon frère. Eh ben, t'iras faire ton canard chez toi. Au revoir. C'est pas moi, c'est pas moi. T'iras sur les bonnes scènes. Allez, hop. Au revoir. Je jure. Au revoir. S'il vous plaît, Gérard. S'il vous plaît, générique. Au revoir. Bon, ok, Michel Klein. Ouais, bah moi je cautionne pas ce genre de truc d'abandonner des animaux au bord de la route. Et voilà quoi. C'est tout. Ah oui, c'est tout. Alors moi je vais vous dire une chose. Oula. Tout à l'heure je l'ai dit. Avoir un animal, c'est comme si qu'on avait un enfant. C'est vrai. Dans ce cas-là, si vous abandonnez un chien sur le bord de l'autoroute pendant que vous partez en vacances, c'est comme si que vous abandonnez un enfant. C'est strictement pareil. Ouais, mais Avoir un animal de toi. Attends, et toi, fous-toi bien de ma gueule, tout à l'heure, tu vas pas rester longtemps, toi. Et quoi? Hein? Alors, une chose qu'il faut bien se dire, faut bien se mettre ça dans la tête, c'est que les animaux, si on prend un animal, c'est qu'on l'aime. Un enfant, c'est pareil. C'est un être humain. C'est un animal qui a besoin de vivre, qui a besoin de tendresse, qui a besoin d'affection, comme un enfant. Donc, si vous n'êtes pas capable de leur donner ce que l'animal a besoin, à l'enfant, ça sera pareil. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des animaux. D'accord. Voilà. Gérard Président. Hein. Et donc, on va s'écouter. On va poser la question. Et tu vas dire bonjour à... on va dire bonjour. Quand je répondrai l'antenne, d'accord? D'accord. Hein? Parce que c'est encore moi le patron ici. Allez, vas-y. C'est toi le La question, faut-il créer des SPA pour les singes ou crocodiles? Et on va s'écouter. Peau de singe lover, grimpe au rideau, ma cochonne, et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000 pour la suite et fin du débat. Et je pense qu'on ira un peu plus loin que 2 heures. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? L'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà donc, bonsoir à tous. Donc on venait de s'écouter Peau de singe, l'auvert, grimpe au rideau, ma cochonne, voilà. Donc on récupère Monsieur Mazur, toujours là. Monsieur Mazur. T'as pas viré Monsieur Mazur tout à l'heure? Karine, au standard là, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Mazur, il est où? Monsieur Mazur. Il est là, regarde. Mister Mazur. Monsieur Mazur. Je lui ai demandé de lui. Oh. Monsieur Mazur. Oui, Monsieur Gérard. Bon, ça y est bon. Oui. Scarabée. Eh, vous me mettez les gens online. Bah non, je viens de l'avoir, j'ai dit qu'on continuait. Ça vient de couper. Bon bah, faut le rappeler. Faut le rappeler. Donc, Michel Klein. Bonsoir. Et qui c'est qu'on a? Coulchienne. Coulchienne, toujours là. Donc. Putain, ça commence à bien faire ce bordel. Donc, faut-il. Donc, vous avez compris la question? Bien sûr. Donc, alors, Monsieur Mazur, tiens. Quelle question, monsieur Gérard? Oh putain, ça y est, ça commence. Les crocodiles et les macaques. Voilà. Ah, les singes et les crocodiles. Voilà. Bien entendu. Écoutez, c'est-à-dire que c'est un thème qui mérite plus ample réflexion, vu la taille, n'est-ce pas, de ces animaux. Comment voulez-vous, n'est-ce pas, entreposer un crocodile, par exemple, dans un refuge SPA? Surtout qu'il... C'est un animal assez agressif, il pourrait être amené à manger les singes. Mm-hmm. Alors il non, y a bien si, entendu. Ouais, non, mais si on les sépare, oui, si on les sépare. Justement, puisque vous en parlez, ce qui est une très bonne idée, il y a des précautions de sécurité intrinsèques à prendre quant à l'installation de ce type d'animal dans des refuges, n'est-ce pas, bien entendu, ou bien encore, pourquoi pas, je ne sais pas, momentanément les entreposer sur des aires de repos d'autoroute ou des refuges. Non, mais c'est bon. Monsieur Mazur. Oui. Monsieur Mazur. Oui, Monsieur Gérard. La question des abandons, ça y est, c'est terminé. J'ai répondu, hein. Ah, très on n'en parle Gérard, plus. Donc c'est bon, allez, Monsieur Klein. Oui, je pense moi qu'il n'y a pas de discrimination à faire entre crocodile, macaque, lama, tout ce que tu veux, et que ces animaux-là ont autant le droit d'avoir un refuge que des chiens, des chats ou autres. Mmh. Donc je vois pas pourquoi il y aurait une discrimination dans ce sens-là, en fait. Mmh. Voilà. D'accord. Coulchienne. J'y vais doucement au début. Ouais. Les crocodiles, je m'y connais pas trop. Mm-hmm. Les singes, c'est un peu plus mon truc. Je suis un peu plus calé en gallinacé, quoi. Moi, franchement, ce qui me frappe, c'est surtout ouais pour les singes, parce que c'est quand même un peu nos cousins, quand même, les singes. De toute manière, on descend du singe. Hein. Ouais, voilà, c'est quand même nos cousins, les singes, quoi. Est-ce que, est-ce que t'as entendu parler des singes bonobos? Ah oui. C'est quoi ça? Alors les singes bonobos, c'est des singes, c'est terrifiant. Hein. C'est des singes qui ont une sexualité comme la nôtre. Voilà, ils niquent tout le temps. Voilà. Et en fait, les contenus... Attends. Oui. Attends, comment que ça s'appelle ça? Les singes bonobos. Bonobos? Oui. Bonobos. C'est des singes qui en fait règlent leur petite querelle en, par exemple, en cunilingus, en fellation. Ah mais tu veux dire par exemple comme une nana? Voilà, exactement. Fallait dire ça. Voilà, bah oui. Bah, faut pas se gêner, c'est pas parce qu'il y a une moi je suis un petit peu timide. Hein, mais on s'en fout de toute manière, l'émission est réservée à un public averti, c'est tout. Ah, oui. C'est bon, vous avez envoyé le jingle. Non, mais de toute manière, c'est moi qui décide, c'est tout. Voilà, en fait, c'est des singes femelles avec des énormes chattes rouges. Ouais. Ils frottent la chagate. Voilà. Et puis, c'est pour ça qu'ils ont le cul rose. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, non, mais on déconne un peu là, mais non, ouais, sérieux, non, ça mais. Déconne. Non, mais faut dire une chose que je pense pas qu'il y a. Je pense pas. Oh, ça y est, c'est bon là. C'est le cousin des singes. Non, non, mais c'est bon. De toute manière, je pense pas qu'on arrivera un jour à trouver un truc comme ça pour les animaux. Je pense pas que ça existera. Pour les singes, bon, ils ont le zoo, les crocodiles, bon, ils ont des trucs spécialisés pour eux, donc je pense pas qu'on pourra inventer un truc de SPA pour ça. Hein. Pour les crocodiles ? Non, je pense pas. Monsieur Gérard, croyez-vous même chez Lacoste ? Non, mais monsieur Mazur. Oui, pas de marque. On s'en fout des marques, d'accord ? Oui. D'accord, monsieur Gérard, c'est noté. Non, mais c'est bon, la question est close, c'est terminé. Il y aura toujours le coq sportif aussi. Ouais, non, mais ça y est, c'est bon. Les marques, c'est bon. Alors, pourquoi il y a Puma, attends, il y a Puma aussi. Il y a Puma, par exemple. Et tout à l'heure, toi, tu vas faire le Puma dans ton lit, toi. Oui, bien joué. D'accord, coup de chienne. Ok, pas de problème. Donc, remplace par Joey Star, ça va être vite. Donc, pourquoi question internet intéressante. Ouais, Gérard, un petit point pour le nombre d'internautes. Alors, bon, là, ça commence à bien cartonner. Tu vois, regarde. 9210. On n'est pas loin des 10 000. Et alors, attends, j'ai Jacques Villevieille qui dit qu'il va te dénoncer la SPA parce que les mouches tombent autour de toi. Voilà. Alors, cette question-là, c'est une question con. Donc, il va dénoncer qui veut à la SPA. Moi, je vais le dénoncer parce qu'il dépense son pognon mal à propos à France Télécom. Okay. Voilà. Donc, toujours la suite. Donc, pourquoi existe-t-il des chiens qui sont si méchants ? Alors, je précise. Exact. Donc, coup de chienne, vas-y. Bah, il y a les Big Bulls déjà. Big Bulls. Les Big Bulls. Les Shit Bulls. Big Bulls. Ouais, il y a les Rottweilers aussi. Ouais, mais attends, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le caniche de Malaisie aussi qui attaque bien. Et ça, c'est des chiens, moi je dis, s'ils sont pas pris sous le contrôle. Le caniche de Malaisie ? Ouais, le caniche de Malaisie. C'est quoi comme race de chien, ça ? C'est un croisement entre un dog breton, en fait. Je sais pas si tu... Est-ce que tu connais un petit peu les races de chiens, en fait ? Non, mais vas-y, dis-moi ce que c'est ton truc, là, parce que c'est un croisement entre un dog breton et un épagneul portugais. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, allez, c'est bon, ouais. Michel Klein. Ouais, c'est vrai qu'il y a des chiens franchement dangereux, mais en fait ça dépend de l'enseignement qui est préconisé par le maître. Si le maître est méchant, vilain, qui gueule sur tout le monde, le chien va être pareil. Alors que si le chien est doux, si le maître est doux, le chien va être super doux. Que ce soit un Rottweiler, un caniche de Malaisie ou... Monsieur Mazur. Oui, alors écoutez, je... gueule, là, vous voulez pas le frapper. Mais la chienne. Je vais pas le frapper, si je donne un sucre, il me suce la bite. Non, mais il fait chier. Fais gaffe, Gérard. Hey, tu parles comment, toi? Elle va te frapper, hein. Je me lâche, il y a un jingle. Attends, ouais. Rallume ton micro, toi, la chienne, là. Tu me parles comment, là? Attends, je suis pas ton petit. Eh, je suis pas ton chien. Mais je suis pas ton chien. Mais je suis pas votre chien, là. La chienne, là, vous la fermez. Non, mais vous prenez pour qui, là? On dirait que c'est moi votre maître. Non, mais ça va, ouais. Je vous ai pas mis des as, hein. On s'égare, là, Vas-y. Donc, monsieur Mazur, pour finir. Écoutez, je suis... C'est-à-dire, je rejoins un peu l'opinion générale. Effectivement, le comportement du chien dépendra de celui du maître, mais cependant, je dois... Monsieur Mazur, je vous écoute. Vous allez pas me faire une réponse avec une grande liste, parce que je vais pas m'éterniser sur vous, sinon je... Vous répondez court. Pour 4 minutes, monsieur. Ouais, non, mais 4 minutes, c'est bon. Il est 53, 4 minutes, il reste encore 5 questions à faire. Ouais, un débat, c'est le plus important. Alors vas-y, posez les questions, Gérard, vas-y. Je m'abstiens, monsieur Gérard, je m'abstiens. Donc, alors pourquoi existe-t-il des chiens méchants? Comme monsieur Mazur voulait dire, c'est vrai que ça dépend des gens qui ont les chiens. Parce que si la personne dit au chien d'attaquer, sera méchant toute sa vie, chien-là. Attends, GG. Quand tu dis que le chien, en fait, il adopte un peu le comportement de son maître. Oui, mais si c'est le maître qui dit d'attaquer, automatiquement, le chien va être méchant. C'est-à-dire que si toi, t'as un chien, il va être illettré, dégénéré, alcoolique. C'est qui vient de dire ça? Bonsoir, c'est Pedro. Non, il n'y a pas de Pedro sur l'antenne. Bonsoir, c'est Rodrigo. Ouais, fais-toi bien de ma gueule, alors, Michel Klein, au revoir. Non. Regarde, j'ai pas la même voix. Ouais. Allô, 1-2, essaye 1-2. Bonsoir, c'est pas du tout la même voix, hein. C'est tombé. Bon. Je sens que je vais perdre deux questions, je vais rendre l'antenne pile à deux heures. J'ai fait péter une cassette. Non, mais je vais vous faire péter l'anus, moi. Ah, bien quand tu parles comme ça. À deux heures, je rends l'antenne pile. Ah, c'est tout. Vas-y, continue, je rends l'antenne à deux heures. Je rends l'antenne à deux heures. Monsieur Klein, ta gueule. Moi, Gérard, je dis qu'il faut pas rendre l'antenne maintenant parce que t'es à 9687 connectés. Non, mais je veux pas le savoir. Si, il faut continuer. On a dit qu'on allait jusqu'à 10 000. Non, mais moi, je rends l'antenne à deux heures si c'est pour que les gens se foutent de ma gueule quand je vais répondre. Donc, s'il y a des chiens qui sont méchants, c'est de la faute un peu des maîtres. Oui. Comme les pitbulls. Oui. Ou tout autre pitbull et rottweiler. Ça, c'est les gens. C'est les maîtres. Ouais, Gérard. Oui. Ça te brancherait, toi, d'avoir... C'est qui? C'est Cool Chien. Est-ce que ça te brancherait d'avoir un chien dans ce style-là, un rottweiler ou un truc comme ça? Non, parce que moi, je vais te dire une chose. Ouais. Que si c'est pour avoir un chien qui est méchant, mais non, mais toi, t'es gentil, donc le chien... Non, mais même, ça veut rien dire, Bon, il sentirait pas très bon, mais... Bon, allez, coule chienne, au revoir. Ah, c'est pas moi, là, hein. Au revoir, bah si, c'est toi qui viens de parler, au revoir. Allez, vous me récupérez... Oh, il me faut du monde, là. On a une personne, déjà. Alors, voilà, donc... Bostakleps. On accueille donc Bostakleps qui vient de Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis. Non, Seine-Chien-Denis, c'est pas la même ville. Bonsoir. Je te dis une chose, si c'est 101.9, c'est Seine-Saint-Denis, d'accord? Et tu vas pas me contredire. Ah, vous avez peut-être raison, effectivement. Wow. Alors, tu vas pas confondre les villes avec le tentacule et encule ta sœur. Ça brille bien joué. D'accord. Bravo Gérard. Ah, il est chaud. Comme la c'est clair, net et précis. Ok. Vas-y, Gérard. Tout à fait. La question. Seriez-vous prêt à adopter un animal chez vous? Alors, moi, Bostakleps, je voudrais y répondre. Ouais. Effectivement, moi, j'ai dû adopter un animal chez moi. Bon, on m'a un peu forcé. Et j'en suis très mécontent, en fait. Pourquoi? Parce que ça aboie tout le temps, faut le descendre, et c'est un peu ennuyant quand c'est pas son chien. Ah, mais voilà. Ça, je vais te dire une chose, dans ces cas-là. Oui. Si t'étais pas d'accord, t'es pas obligé d'adopter un animal. Je suis un peu obligé, effectivement, puisqu'il est... appartient à mes parents, en fait, donc... Dans ces cas-là, tes parents, ils sont où? Ils sont chez eux, tranquille. Attendez 5 minutes, là. Ouais. Je vais mettre un peu les choses au clair. Foutez-vous pas de ma gueule au standard. Prenez du monde. Non, parce que toi, pour l'instant, je vois, vous êtes en train de jacter. Alors, foutez-vous pas de ma gueule, là. Non, mais vous allez prendre du monde, parce que là, je sais pas qui c'est que j'ai, parce que j'ai pas de fiche. Ah, mais là, tu cherches la petite bête. Hein. Ouais, ouais, non, mais cherche la petite bête. Toi, hier, tu m'as dit que tu allais me faire du boulot comme il faut. Tu me fais du boulot de merde, malheureusement. D'accord? C'est d'une fiche, ma puce. Il y a un peu de... Oh, tu parles correctement aux gens qui sont standards, ou sinon tu vas te coucher. Ouais, mais je vais te faire une belle fiche propre. Ma puce, c'est mignon. Hein. Bah, c'est qui vient de dire ça? Michel Klein, au revoir. Non, attends, j'ai pas la même voix. Pas dire à tout le monde non plus. Les gens qui sont standards n'appartiennent pas aux auditeurs, c'est moi qui les commande. Alors, au revoir, Michel Klein. Michel Klein, au revoir. Voilà. Donc, monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. Eh bien, écoutez, malheureusement... En ayant réponse à l'auditeur qu'on avait juste avant, qui est obligé de garder l'animal de ses parents. Hein. Oui, non, mais bien entendu. Alors, écoutez, moi, je ne suis absolument pas prêt, n'est-ce pas, à adopter un animal, encore moins un enfant, car j'ai des occupations professionnelles, n'est-ce pas, qui ne me permettent pas de pouvoir sustenter à ses besoins. Mm-hmm. Comprenez-vous? Non, mais d'accord, mais... Bon, un animal... Il y a certains... Vous l'avez dit vous-même, monsieur Gérard. Il y a certains... Vous aimez un animal tel un enfant. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais si vous aimez un animal, donc l'animal, si vous le dressez bien, en principe, si quelqu'un le sort, si vous êtes, si vous avez quelqu'un de votre entourage... Non, mais attendez, monsieur Mazur, s'il vous plaît. Le temps, n'est-ce pas, pour le dresser, pour le sortir. Non, mais attendez, monsieur. Je crois comprendre que vous n'êtes pas quelqu'un. Donc vous avez effectivement le temps qu'il vous faut. Mais quant à moi, il est hors de question. Non mais d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais dans ces cas-là, si vous avez quelqu'un que vous connaissez bien de votre entourage, il peut le sortir à votre place. Monsieur Gérard, alors si je demandais à quelqu'un de mon entourage, ça irait à l'encontre de ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est lorsque l'on a un animal, il faut s'en occuper soi-même, n'est-ce pas? Parce que si je le donne à quelqu'un de mon entourage, l'animal va s'habituer à cette personne, il ne me reconnaîtra plus, et il se jettera sur moi, pensant peut-être que je suis un intrus dans ma propre maison. Et oui. Non mais, monsieur Gérard. Non mais je vois ce, parce que de toute manière c'est ce qui s'est passé là il y a pas longtemps avec une mais tout à fait avec un auditeur qui est passé dans une émission. Non mais attendez laissez-moi finir monsieur Mazur, merci. Donc c'est pour continuer pour répondre à une question que j'avais dite tout à l'heure, que j'avais répondu sur le truc avec Julien Courbet. Donc il y a eu encore une confirmation encore aujourd'hui, les personnes qu'on récupérait, donc c'était un berger allemand. Donc maintenant que le berger allemand s'est bien adopté à eux, ils ne veulent plus leur donner à la personne à qui il appartenait. Mais donc moi je trouve ça. Et monsieur Julien Courbet doit être très triste de ne pouvoir récupérer le berger allemand. Non mais c'est pas lui. Il a dit qu'il allait tout faire pour que le berger allemand retourne à la personne attitrée. Oui, bien entendu. Et ça, moi, je lui dis, je suis d'accord. Donc voilà. Donc, il est quelle heure? 2h du matin. Voilà. Conclusion. Donc la conclusion du débat. Donc Monsieur Mazur. Écoutez. La conclusion, tu peux annoncer juste ce qu'on t'a passé là. Donc alors on a Richier, Curie. Richier Cunningham. Donc 102. Et Joël Star, 101.9 pour terminer. Et puis Busta Club. Il y a un peu trop de copyright lover. Bon, alors, dernière question, allez. D'après vous, combien y a-t-il de chiens et chats autres? J'ai une conclusion. Non, je fais la dernière parce que, comme ça, les trois personnes qu'on n'a pas eues. Donc, d'après vous, combien de chiens et chats et autres animaux sont-ils placés dans les SPA en France? Et pour finir, attendez, avant que vous répondiez, sur le net, oui. Gérard, 9812 connectés. On arrive presque au but. Mmh. Et une question de Francis Gabon qui me demande si tu serais prêt à adopter un babouin. C'est... C'est toi, hein, bien sûr. Non, mais c'est pas évident parce qu'il faut déjà avoir quand même un espace. Et puis même, faut avoir une dérogation spéciale pour adopter des babouins. T'es sûr? Ah ouais. Il faut une dérogation spéciale parce que tu peux pas adopter des si babouins comme ça. Et si t'as vu la dérogation? Non, même, je pense pas. Parce que c'est trop méchant. Donc, la question, monsieur Mazur, pour finir. Monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. Donc, d'après vous, combien de chiens et chats et autres animaux sont-ils placés dans les SPA en France? C'est difficile. Je précise, en France. Oui, bien sûr, c'est difficile à dire. Aurions-nous une marge d'erreur, par hasard? Ben, allez-y, hein. Eh bien, écoutez, à 10 000 près, je dirais environ 10 000. D'accord. Richie. À 10 000 près, monsieur Gérard. Richie. Richie Cunningham. Moi, je dirais 5012,8. Non, mais monsieur Gérard, à 10 000 près. Non, mais je donnerai mon chiffre après. Voilà, 10 000 près parce que c'est important d'avoir. Joël Star. Arlette. Joël Star. Moi, je trouve 100 000. Ouais. Et Busta, je sais pas quoi là. Busta Kleps, je pense qu'il y en a à peu près 592 000 à mon avis, sachant que une centaine d'animaux sont abandonnés par jour. C'est très triste. Mais à 10 000 près, monsieur Gérard, n'est-ce pas? Non. 10 000. À peu près à 10 000. Pas moins. Oh, monsieur Mazur, s'il vous plaît. 10 000 près. Bon, monsieur Mazur, avec le chiffre est important, n'est-ce pas? Oui, ben moi je peux vous dire une chose, que le chiffre est de 60 000. Voilà, j'avais raison, à 10 000 près. Non, mais 60 000. 60 000, ça fait un peu de trop, quand même. Ah, oui, coupez votre portable, monsieur Gérard. Monsieur Mazur, j'ai pas d'ordre à recevoir de vous, et c'est pas mon portable. Mais... Donc, la conclusion du débat terminée, monsieur Mazur, conclusion. Non, il y a une question internet d'abord, une question de Savio. Est-ce que t'as appris à ton chien à ramener ta jambe de bois, Gérard? Bah, tu diras qu'il aille se faire foutre. Oh, putain. Savio, donc, hein. Voilà. Bon, les conclusions, Gérard. Conclusion. Monsieur Mazur. Eh bien, écoutez, selon votre habitude, j'ai trouvé que c'était un débat passionnant, n'est-ce pas? Aussi bien traité dans la forme que dans le fond. Et je crois que là où c'était intéressant, c'est que vous avez su faire prendre conscience à vos auditeurs de l'importance de l'attachement qu'il faut apporter à la race des canidés. Non, mais ça. Parce que, bien entendu, une canidée. Non, mais monsieur Mazur. Monsieur Mazur. La canidée. Monsieur Mazur, au revoir. Allez. Il faut effectivement. C'est bon, la conclusion, je vais pas m'éterniser. Richie Curigan. Oui, ben moi je suis arrivé un petit peu les 12 dernières secondes, mais j'ai quand même écouté le débat du début à la fin. J'ai trouvé qu'il a été un petit peu long à prendre. J'ai trouvé, Monsieur Gérard, que vous êtes un petit peu vilipendé au début sur les gens qui travaillaient avec vous. Cela dit, le débat a été par la suite de haute voltige. J'ai trouvé très instructif. Et ben écoutez, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Joestar. Joestarlette, quoi. Tu comment tu me parles? Ton débat, c'était trop de la merde, trop de la balle, je te cache. Eh ben, va! Eh ben, va te faire foutre, espèce de pétasse! Vas-y, va lui dire au revoir à celle-là, c'est même pas la peine que je lui parle. Mister Kleps. Ouais, je vends des pites à plein temps. Et en conclusion, je dirais que j'ai été honoré de participer à ce débat, Gérard. Que vous m'aviez accepté, ça me fait vraiment plaisir. Et que bah sinon, le débat, je l'ai trouvé un peu sans intérêt. Parce que bon, le chiant, c'est un peu... On s'en fout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah si vous aimez pas les animaux, dans ce cas-là... Ah, mais moi, je les aime pas, surtout les chats. Quand je les vois, je shoote dedans, comme ça, une belle roue à l'extérieur du pied, et bim, en pleine lucarne. Ouais, bah moi, je vais te dire une chose, dans ce cas-là, si t'aimes pas les animaux, t'aimes pas les enfants. Je suis désolé. Vous n'êtes pas non plus. Eh ben dans ce cas-là, je sais pas pourquoi qu'on t'a sélectionné. Et je ne vous aime pas, Gérard aussi. Eh ben dans ce cas-là, bah. Gérard, c'est pas bon. Gérard, c'est Richie Cunningham. Moi, j'aime bien les animaux, mais par contre, j'aime pas les enfants. Bah alors, t'as un con. Mais non, ça a pas de poils, un enfant. Moi, j'aime bien caresser les poils sur les animaux. Et j'aime pas les animaux qui ont pas de poils. T'as qu'à caresser les poils d'une foufoune, tu verras si c'est, si c'est un animal. Ok, en de bon entendeur, salut. Quelle vanne de qualité, ça. Ah, devant ton réparti, je m'incline, hein. Ouais, ouais, bah c'est bien. Alors, conclusion du net. Alors, il y a plein de conclusions, Gérard. Alors, malheureusement. Non, mais attention. Attention, conclusion correcte, hein, pas de merde. Non, je veux savoir à combien qu'on termine. Alors, malheureusement, on n'a pas atteint les 10 000. Non, mais je veux savoir. Ça sera pour une prochaine fois. 9 981. Aïe, aïe, aïe, aïe, bravo quand même. C'était pas loin. Hein. Non, mais c'est bon quand même. Donc alors les conclusions. Les conclusions, il y en a plusieurs. Signorita qui dit un débat ressemblant à un chien sans queue ni tête, comme toi Gérard. Ça c'est bien, de toute manière, ça m'étonne pas des nanas. Ok. Ça changera pas. Epsilon propose que l'on te mette en cage et qu'on te remplace par un petit babouin qui fera mieux le boulot que toi. Bah dans ce cas-là, Epsilon. C'est une nana, ça? Je sais pas. Bon, bah, de toute manière, on dirait une tête de singe, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, il y a Moltz qui dit, conclusion, une SPA, ça va, 3 SPA, bonjour les débats. Je vois pas le rapport avec le thème du débat. Ah bah ça. Si, c'est la SPA. Non, mais ouais, mais ça veut dire, un verre, ça va, deux verres, ça va, trois verres, bonjour les dégâts, merci. Bouge pas, il y a encore deux conclusions, une conclusion de fesses de babouin, statistique. Non, c'est bon, c'est bon, lui. Si. Non. Il dit qu'un beau berger allemand a plus de chances d'être adopté qu'un vieux bâtard boiteux et plein de puces. Bah vas-y, réponds-lui au moins, Gérard. Non, c'est même pas la peine, le prochain coup, tu me le passes pas, cette conclusion-là. Et la dernière conclusion, c'est Evil Goss qui a fait un petit sondage. Que pensez-vous de la SPA? Alors, 65% des gens... Attends, Simon. Dans ce cas-là, les sondages, faut me les donner avant les débats, pas à la fin du débat. Donc mais voilà, terminé. Mais si, Gérard. J'ai dit non, terminé. Donc, prochain thème du débat. Ah, un débat que j'adore parce que ça commence à nous gonfler. On va faire un débat sur les grèves. Voilà. Et je vous préviens pas, je vous dis pas quand. Ouais. Ça sera la surprise. Donc ça sera la surprise du chef avec la cerise sous le gâteau. C'est celui que tu peux parler, c'est par rapport aux actualités là. Donc c'est vrai qu'en ce moment on a trop de grèves et donc ça commence à nous prendre la tête. Alors donc on c'est normalement c'était prévu sur un autre débat qui était un peu plus sérieux qui était aussi sérieux que la SPA, mais vu l'actualité qui bouge, et ben normalement on devait faire un débat sur les trucs des sans-papiers, mais en fin de compte, vu que les thèmes, c'est au sujet des actualités, puis là les actualités sont quand même assez importantes, là on a trop de grèves qui nous emmerdent. Donc il y en a qu'on pas pu aller justement à cause des grèves surprises, qu'on pas pu aller pour passer un truc, un brevet, je sais pas d'où, là. Les gens confondent pas avec la grêle, hein. Faut pas confondre grêle et grève. D'accord, au standard. Rien à voir avec la météo, non. Faut pas confondre les grêles et les grèves. Ouais, c'est sérieux, là. Parce que les grêles, ça prend deux L, et les grèves, ça prend un V. Conclusion, Gérard. Alors, la conclusion de moi, alors. Sur qui je vais m'en prendre? Au standard! Le standard, ce soir. De la merde complète. Bravo les filles. Grave de chez grave. Il a fallu que je gueule. Vous n'avez pas été capable de me faire un boulot sérieux. Karine, malheureusement, c'est toi qui va morfler pour ta copine. Tu vas faire la vaisselle. Tu feras la vaisselle pendant 6 mois. Donc. Et tu feras le repassage aussi. Donc, le truc, c'est qu'hier, tu m'avais dit que tu allais faire un bon boulot et apparemment, tu m'as tout saccagé. Donc, je suis pas content. Donc, c'est du mauvais boulot que tu m'as fait ce soir. Malheureusement. Et ça, va falloir que tu récupères, de récupérer du bon boulot. La deuxième personne, donc, au standard, ça a été pareil, c'est... Mais fallait bien une première fois, quand même. Ouais, mais ça fait déjà la deuxième fois qu'on essaye. Ça fait longtemps. Ouais, mais ça fait longtemps, mais de toute manière, on t'avait attends, je t'ai fait des jolies fiches. On t'avait prévenu. Ah, tu m'as pas du tout briefé tout à l'heure. Ouais, mais je t'ai pas briefé, mais de toute manière, hier, t'étais avec Max, il aurait pu te faire écouter comment que je travaillais, donc ça n'a pas été fait. J'ai écouté 30 débats toute la nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Ouais, ben, c'est pas parce que tu dors pas beaucoup que tu dois faire du boulot de merde. Attends, ça va, viens bosser gratos. Simon, tu la fermes, toi? Parce que toi, pour l'instant, je peux pas dire que t'as bien travaillé parce que tu m'as... Ah bon? Tu m'as presque rien donné comme solution. Ah bah merde. Sur le net, on a terminé à 9981, d'accord. Ah bah ouais, ça. Mais par contre, alors là, la Réa, cette semaine, bah alors là, de la décatombe. T'es pas sympa. De la décatombe. Attends, de la décatombe, t'es pas sympa. Les bruits de chiens. Mais j'ai rien mis. Poule, lapin, cochon. Regarde, j'ai rien mis. Non, mais même, là, ce soir, je sais pas ce qu'il y avait, mais ce soir-là, ça n'a pas été du bon boulot. Oh. On a terminé quand même à 9980, mais bon. C'est bien, on a tenu. Non, mais quand même, c'est dommage. C'est pas 10 000, hein. C'est dommage, mais. Ma conclusion, bon, ben, j'espère que les prochains débats se passeront un peu mieux. Bon, ben, maintenant, vous avez le prochain thème du débat. T'as pas un message à passer pour les gens de la SPA ou les gens qui tapent les chiens? Ben, disons, sur ces personnes-là, bon, ben, si vous avez des noms d'associations pour pouvoir essayer de faire quelque chose, ben, n'hésitez pas à les donner à qui droit. Et puis, ben, si vous prenez des chiens, ben, faites pas comme il y en a qui font tous les ans, qui les laissent sur les bords de route, ça servira à rien. Surtout là que ça va être la période, donc ça ne servira à rien. Alors, si vous prenez un animal, mettez-vous bien ça dans la tête. Un animal, c'est comme un être humain. C'est qu'elle bat les gens. Ça a besoin d'affection. Donc, si vous aimez un animal, vous aimez l'être humain. Si vous n'aimez pas l'être humain, vous n'aimez pas l'animal. Donc dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'essayer de dépenser votre fric pour acheter, pour dire bon, je vais acheter. Des chiens, après ils achètent des couches. Je vais acheter un animal. Je vais à la SPA. Je vais faire le bien. Je vais acheter un animal et puis tout. Ben dans ces cas-là, non. Dans ces cas, si vous aimez pas les animaux, c'est pas la peine de y aller. Voilà. On te bon entendeur, salut. C'est la pensée du jour. Ouais. Merci, merci Gérard. Et donc on va s'écouter pour finir. Les animaux du monde, tout en Tokyo, et bah, je vous dis, bah, à bientôt.